Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mardi 18 septembre, nous souhaitons une bonne fête au Nadège, ça vient du latin signifiant espérance en l'attente. Nadège est une femme qui tente à la secondante, secrète, réservée, méfiante et prudente. Elle ne se laisse pas aller facilement à ses émotions ou à ses sensations, préférant garder toujours la tête froide. Deux tendances complémentaires ou contradictoires sont présentes. La première, qui peut correspondre à une première partie de vie, est susceptible de l'amener à une certaine répression de ses sentiments. Elle se montrera alors froide, déterminée, travailleuse, préférera axer sa vie sur les démarches sensées de son jugement et voudra toujours laisser un pied sur la terre ferme. Ultérieurement, vers la maturité, elle pourra commencer à vivre l'influence d'un maître nombre. Les réalisations de grandes envergures ou touchant des domaines collectifs, internationaux ou reliés à des entreprises nationales ou de diffusion sont susceptibles de l'intéresser. Les opportunités de succès sont importantes, allant de pair avec une grande tension nerveuse. Selon son domaine d'activité, elle pourra laisser un nom ou une empreinte alliant la rigueur, la force, la détermination à une capacité de travail et d'action au-dessus de la moyenne. Elle aura donc le choix de vivre une existence peu commune où rien ne sera gratuit, parfois au détriment de sa vie privée, ou de choisir une voie plus anonyme, moins ambitieuse, parfois routinière, qui lui apportera paix et tranquillité. Cette dualité sera particulièrement difficile à vivre, surtout si elle n'arrive pas à la hauteur des hautes aspirations de son maître nombre qui lui confère un impact sur les autres. Dans un cas comme dans l'autre, Nadège privilégiera la sphère professionnelle, devenant un véritable bourreau de travail, ayant le souci du détail au point parfois de s'y noyer, le tout sur un fond de rigueur, de moralité, pouvant aller parfois jusqu'à l'étroitesse d'esprit, la mesquinerie, la rigidité. Dicton du jour, en septembre, tous les fruits valent le prendre. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée mondiale du contrôle de l'eau et également la journée mondiale du bambou. Et ça s'est passé en 18 septembre 1776, fondation de San Francisco, 1811, création du bataillon de sapeurs-pompiers de Paris, 1981, c'était la loi sur l'abolition de la peine de mort en France, votée à l'Assemblée nationale. Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale avec Jimi Hendrix et le titre All Along the Watchtower. There must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. Here I'm Hendrix sur RGM. Il est un peu plus de 8h37 et il est temps pour nous de parler anniversaire. Ils sont nés un 18 septembre 1948, naissance de Dominique Chapat, journaliste français connu pour présenter depuis plus de 30 ans l'émission d'automobile Turbo. 1960, naissance de Sophie Berger, karatékate française, double championne du monde et double championne d'Europe. 1961, naissance d'Alain Casanova, ancien footballeur devenu entraîneur français qui a fait carrière de 1982 à 1995 en jouant à Le Havre, à Marseille, à Toulouse. Il est devenu entraîneur en 2008. De 2008 à 2015, il a entraîné Toulouse. De 2016 à 2017, Lens. Et depuis cette saison, il est de nouveau l'entraîneur de Toulouse. 1970, naissance de Didier Rousse, cycliste sur route, puis directeur sportif, champion de France sur route 2001 et 2003. 1971, naissance de Lance Armstrong, ancien cycliste sur route américain, champion du monde sur route en 93, célèbre pour avoir remporté 7 Tours de France consécutifs de 1999 à 2005, ce qui constituait le record absolu dans cette épreuve, et pour s'être vu les retirer en 2012 après sa retraite sportive pour plusieurs infractions à la réglementation antidopage. C'est également l'année de naissance de Jada Pinkett-Smith, actrice américaine vue dans Le Professeur Folding dans le rôle de Carla Purdy, Scream 2, Ali, Matrix Reloaded et Matrix Revolutions dans le rôle de Newbie, Collateral, Magic Mike, XXL, Bad Moms dans le rôle de Stacy, la série télé Hawthorne, infirmière en chef dans le rôle de Christina Hawthorne et dans Gotham dans le rôle de Fish Money. 1972, naissance de Michael Landes, acteur américain vu dans Le Prince de Bel-Air, Lois et Clark, Les Nouvelles Aventures de Superman dans le rôle de Jimmy Olsen ou encore Spécial Unité 2 dans le rôle du détective Nick O'Malley. 1973, naissance de James Marsden, acteur américain connu pour son rôle de Scott Summers alias Cyclope dans X-Men 1 et 2, X-Men L'Affrontement Final, X-Men Days of Future Past, vu également dans Zoolander, N'oublie jamais, Superman Returns, 27 robes, Le Majordome dans le rôle de John Fitzgerald Kennedy, la série télé Une Nounou d'Enfer, La Famille du Bonheur dans le rôle de Ricky Beckett ou encore Ally McBeal dans le rôle de Glenn Foy. 1977, naissance de Barrett Foa, acteur américain connu pour son rôle d'Eric Bill dans la série NCIS Los Angeles. 1981, naissance de Camille Cobal, animateur français, chroniqueur dans Touche pas à mon poste, et il a animé l'émission L'œuf ou la poule, Il en pense quoi Camille, et il animera bientôt Danse avec les stars. 1986, naissance de Renaud Lavillenie, perchiste français, champion olympique à Londres en 2012, il compte également une médaille d'argent, il compte aussi 3 victoires au championnat du monde en salle en 2012, 2016 et 2018, 3 victoires au championnat d'Europe en plein air en 2010, 2012 et 2014, 4 victoires au championnat d'Europe en salle en 2009, 2011, 2013 et 2015. À ces titres s'ajoutent 5 médailles, une en argent et 4 en bronze obtenues lors des championnats du monde en plein air. Il est également le seul athlète à avoir remporté les 7 premières éditions de la Ligue de Diamants de 2010 à 2016 et il est le détenteur du record du monde du saut à la perche depuis le 15 février 2014 en franchissant 6 m 16. 1989, naissance d'Edwin Jackson, basketteur français qui de 2007 à 2014 a joué à l'ASVEL, mais pendant la saison 2008-2009 il a été prêté à Nanterre et pendant 2009-2010 il a été prêté à Rouen. De 2014 à 2015 il a joué à Barcelone, de 2015 à 2016 à l'Unicaja Malaga, 2016 à 2017 à l'Estudiantes Madrid, de 2017 à 2018 au club de Guangdong Southern Tigers. En janvier 2018 il a rejoint Barcelone et en juin de cette année il a rejoint le club de Budućnost Podgorica. 1991, naissance de Jérémy Douillet, basketteur français qui de 2011 à 2013 a joué à Nantes, de 2013 à 2014 à Chartres, de 2014 à 2015 au Jet Vosges, de 2015 à 2016 à Ruel, de 2016 à 2017 à Angers, la saison dernière de nouveau à Ruel et cette saison il joue pour le club de Vendée Chaland Basket. 1992, naissance de Timothée Nguessan, handballeur français qui de de 2011 à 2016 a joué à Chambéry. Depuis 2016, il joue à Barcelone et en équipe de France. Il est médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de 2016, médaillé d'or aux Championnats du Monde 2017 et médaillé de bronze aux Championnats d'Europe 2018. En 1970, décédé Jimi Hendrix, chanteur et guitariste américain. Et en 2010, décédé Patrick Saint-Éloi, chanteur, meneur du groupe Cassav, dont on écoute tout de suite la chanson Ciebois. Sur le 107FM, un peu plus de 8h46, on est toujours dans la matinale et on va parler maintenant météo. La météo. Encore une très belle journée ensoleillée qui nous attend avec peut-être même des perturbations à prévoir en fin d'après-midi. On va être vigilant, le parapluie ne devra pas être très très loin. Des températures toujours aussi agréables. Ce matin, elles sont comprises entre 14 et 15 degrés. Cet après-midi, elles seront comprises entre 26 et 28 degrés. Pour mercredi, belle journée ensoleillée. Des températures comprises entre 14 et 15 degrés le matin, entre 26 et 28 degrés l'après-midi. Jeudi, journée ensoleillée également. Des températures comprises entre 14 14 et 15 degrés le matin et entre 26 et jusqu'à 29 degrés prévus jeudi après-midi. Voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Un mot de football tout d'abord en Ligue 2, Metz s'est imposé 3 buts à 1 à Béziers. Ce soir en Ligue des Champions, Monaco affronte l'Atlético Madrid et le Paris Saint-Germain se déplace à Liverpool. Un mot de basket féminin, la France a bataillé, a tenu tête aux Américaines hier, mais tout compte fait, les Françaises se sont inclinées 60 à 77. Un mot de volley, ce soir la France affronte le Canada dans les championnats du monde. Un mot de tennis maintenant avec le tournoi de Metz. Hier, la qualification de l'Estienne en 2-7 face à Janvier, 6-4, 6-4 et Kenny Deschepper s'est qualifié en 3-7, 7-6, 6-7, 7-6 face à Barrère. Et en double, à noter que Joe Wilfried Tsonga s'est incliné aux côtés d'Humbert pour son retour à la compétition. Mais on le retrouvera aujourd'hui sur les courts en simple face à Gojovzik. Il y aura également Humbert face à Tomic, Deschepper face à Basilashvili, Lestienne opposé à Zop ou encore Herbert à Albot. Et à Guangzhou, a noté hier la qualification de Ferro en 2-7 face à Wang, 6-3, 6-3. Et aujourd'hui, Alizé Cornet s'est inclinée en 2-7 face à Brady, 6-0, 6-3. Et à noter que Maria Sharapova met un terme à sa saison. Elle ne jouera plus avant 2019. Et en hockey sur glace, hier a eu lieu le tirage au sort de la Coupe de France. Épinal connaît son adversaire. Il s'agit d'un déplacement à Dijon. Ce sera le 6 octobre prochain. Voilà pour l'actualité sportive. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec une nouveauté signée Soprano, sortie la semaine dernière. Ça s'intitule À la vie, à l'amour. On écoute tout de suite Soprano. Facile avec un grand sourire, donc je souris quand j'ai mal à la vie. Car ma maman m'a dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne sans attendre un merci. Vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis. C'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles. Combien au paradis. On vit avec cette mélancolie. C'est comme ça la vie. Ma maman m'a dit. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse. Ma maman qui t'a jamais oublié. D'où je venais, mais surtout qui j'étais. On avait peu, mais on savait donner. Elle m'a toujours dit chez nous, l'accueil est inné. Sauf ce que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué, mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman m'a dit le monde, il est fêlé. Change avec ton humanité, c'est comme ça la vie. Oui, offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer, c'est comme ça la vie. Ma maman m'a dit laï, laï, laï, laï, la la la la. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Maman donne meilleur conseil que la nuit, à la vie, à l'amour. Danse, danse, danse, danse, danse. À la vie, à l'amour, signé Soprano en nouveauté sur RGM. Il est 8h53, passé de quelques secondes. On va faire un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, ce sera durablement vôtre. 13h30, la rediffusion d'un Minute Bonheur par l'IA. À 20h, Parole est à vous avec Michel. 22h, ce sera Dominique. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.